Le président de l'Association des Coréens au Japon pour la réunification pacifique, l'administrateur général du Conseil permanent de la Fédération des commerçants et industriels coréens au Japon, le président du Présidium du Comité central de l'Union de la jeunesse coréenne au Japon et la vice-présidente du Présidium du Comité central de l'Union démocratique des femmes coréennes au Japon ont lancé chacun le 20 janvier une communication en faveur de l'appel de la réunion conjointe du gouvernement, des partis politiques et formations de la République populaire démocratique de Corée. Ils y ont exprimé le soutien à l'appel en question, projet patriotique représentant la volonté invariable de toute la nation pour la réunification de la patrie. Ensuite, ils ont décidé de contribuer énergiquement à rendre cette année très significative dans l'ouverture de nouvelles phases pour la réunification indépendante, selon l'appel de la dernière réunion conjointe.